bien nous dire voilà, on recommence en confinement. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 470, mais pas la saga des Fab Four faite à la radio, sur RIG 90.7, mais celle faite à la maison, chez moi. Je vais pas vous donner mon adresse quand même. Je la fais un petit peu avant le 4 novembre, qui est la date à laquelle je souhaite que vous ouvriez ce podcast que vous allez découvrir à 20h le mercredi 4 novembre. Et on commente tous ensemble sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. La saga d'aujourd'hui, la 470C pour confinement, a pour objet une saga Live Fab Four. Ah, j'aime bien les sagas Live Fab Four. Je ne les fais pas trop souvent, je reconnais, mais ça me fait vraiment plaisir d'imaginer que les Beatles sont toujours vivants, sont tous ensemble et viennent à Bordeaux pour pouvoir nous faire plaisir. Voilà. Et bien, ce soir, John, Paul, Ringo et George sont ensemble. Ils ont en plus des invités. Il y aura Bruce Springsteen, il y aura Elton John, il y aura Eric Clapton. Je crois qu'il y a aussi Danny Harrison qui viendra et qui viendront d'ailleurs tous faire un petit tour et chanter une chanson avec John, Paul, Ringo et George. Voilà. Donc, installez-vous confortablement. Venez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four et on commence ça dans quelques secondes. Eh bien, on commence avec un instrumental du temps des Beatles, première mouture, Cry for a Shadow. Turns to moonlight, I'll be on my way. Just Just one kiss and I'll go. Don't hide the tears that don't show. As the June light turns to moonlight, I'll be on my way to where the winds don't blow and golden rivers flow. This way will I go. They were right, I was wrong. True love didn't last long. As the June light turns to moonlight, I'll be on my way. Chapeau de roue et à l'ancienne, avec des anciens titres des Beatles, Some Other Guy par exemple. À chaque fois, au bout de 2-3 chansons, les Beatles, John, Paul, Ringo, George s'arrêtent pour dire bonjour. Vous êtes en train d'écouter la saga des Fab Four numéro 470 depuis Bordeaux, depuis chez moi, grâce au matériel de la radio, on va dire, si on veut, même si c'est pas tout à fait vrai. Et le temps qu'ils disent bonjour, eh bien, je vous propose de retourner à la saga, retourner surtout au stade où John, Paul, Ringo, George sont en train de recommencer à chanter. Jump and shout.

Pour Hard Day's Night. Oui, je répète, vous n'avez peut-être pas bien entendu. Un démarrage un poil raté pour Hard Day's Night, mais pourtant c'était bien. Et voici que monte sur scène, sous des applaudissements, un certain boss, Monsieur Bruce Springsteen. Il va chanter avec l'un d'entre eux, je crois que c'est Paul McCartney, voilà. So, Paul McCartney, gonna sit in with us. We don't want to make no big deal out of it, but I've been waiting about 50 years. One, two, three, four! Well, she was just 17, and you know what I mean. And the way she looked was way beyond the bed. Yeah, I could see, and that before too long. Les légendaires Beatles, merci à Bruce Springsteen d'avoir mis autant la pêche dans ce superbe concert des Beatles. Vous êtes sur la saga, vous écoutez la saga des Fab Four, numéro 470C, c'est comme confinement. Elle est enregistrée à la maison, dans les conditions du direct. Oh, voici certainement la trilogie Venus and Mars, Rock Show et Jet. RJ, en temps normal, c'est 90.7 et c'est www.rjfm.fr. Sitting in the stand of the sports arena, waiting for the show to begin. Red lights, green lights, strawberry wine. Good friend of mine follows the stars. Venus and Mars are all right tonight.

she just walked right out the door. I want her back and nothing more. Her note fell on the bedroom floor. I'm the king of broken hearts. I've lost before I ever start to love again. I'm the king of broken hearts. I give it. Some people live but never learn. I can make a brand new start living in a land of broken hearts. Yeah. I'm the king of broken hearts. I've lost before I ever start to love. King of broken hearts, I'd give it all away to find a friend again. I'm the king of broken hearts. I've lost before I ever start to love again. Actually, four guys wrote that song. Put any four guys together trying to write a song and it's all sob stories. All day. Oh! pas si t'arrives depuis les coulisses, un certain Elton John. Je pense que dans les années 70, ils avaient chanté trois chansons ensemble. C'était Lucy in the Sky with Diamonds, I Saw Her Standing There, qui n'a été chantée qu'une fois jusqu'à présent par John Lennon. Et l'autre chanson, c'était Whatever Gets You Through the Night. Quelle va être la chanson ? We thought we'd make tonight a little bit of a joyous occasion by inviting someone up with us on the stage. Et donc c'est Elton John. I'm sure he will be no stranger to anybody in the audience. When I say it's our great privilege and your great privilege. C'est difficile de trafiquer ça, yeah. Ça s'est passé dans les années 70, vous le savez. Vous écoutez la saga des Fab Four, la saga numéro 470. C'est comme confiné, j'enregistre à la maison et je vous ai proposé d'ouvrir ce podcast que vous aurez à disposition le mercredi 4 novembre à 20h pile et on commente sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. C'est Whatever Gets You Through the Night sur RG. Enfin, RG, vous m'avez compris. Whatever gets you through the night. It's alright. It's alright. It's a play while you lie. It's alright. It's alright. Don't need a salt and cut with flour. Honor. Honor. Whatever gets you through your life. J'ai écrit une chanson sur la tourte, là, je crois que ça s'appelle La Tourte, quelque chose comme ça, à propos des Beatles. C'est toi qui avais pensé à ça. Et ça donne Flamin' Pie. Je sais plus comment on appelle une Flamin' Pie en français. Make me love underneath the bed. The shooting stars from the purple

Quel plaisir d'entendre à la suite d'abord Sgt Pepper chanté par Paul, puis With a Little Help from My Friend chanté par Ringo. Ringo qui pousse la dernière note alors que dans ses shows à lui durant les années 2000 ou même avant, il n'osait plus pousser les chansons. Mais lorsqu'il est avec ses frères, parce qu'on peut les qualifier de frères, eh bien il ose, voilà. Quand même, hein, 80 ans pour Ringo Starr, pour John Lennon, 78 pour Paul McCartney, 77 pour George Harrison, et il nous mène un show absolument fabuleux. Là, j'ai pris le temps de vous parler, d'abord parce que je voudrais vous rappeler que vous écoutez la saga des Fab Four numéro 470C, c'est pour confinement, puisque je l'enregistre à la maison, et je vous ai invité à la rouvrir le podcast le mercredi 4 novembre, date habituelle de l'émission sur RIG 90.7 ou www.rigfm.fr, et nous commentons cette émission sur le groupe La Saga des Fab Four dans sur Facebook. Voilà, sur Facebook tout simplement. Je cherche mes mots moi parfois. Et pendant ce temps-là, eh bien, ils se sont réunis autour de petites chaises tranquilles pour nous faire un set acoustique qui commence maintenant. Let me it's a couple. What? I will, you know. I love you, that one. Yeah. And Obladi Oblada. Oh, yeah. Surprising things to write out there. I remember going down to... Remember going down to a film show in the village? What was that? Did you write your thing, George? Obviously not. Did you write your thing when you were... I wrote Sour Milk Sea. I wrote a number of songs which I've never recorded to this day. I wrote one called Derradoon. Why don't you play it for us, George? I don't know if I know. Derradoon, no. Direction takes you years, another takes you days. Something I don't remember. Okay. All right. Virtuel de John, Paul, Ringo, George, ici à Bordeaux, admettons, en 2020, pendant le confinement, ils invitent des gens qu'on aime bien, comme par exemple Carl Perkins, qui va chanter avec George Harrison « Blue Suede Shoes ». Well, it's a one for the man, and two for the show. I tell you to get ready now. Go, can't go, don't you? Step on my blue suede shoes. But we can do anything out there, blue suede shoes. You can burn my house, steal my car. Since 1955. Watch out now, take care, beware of falling swing. Dropping all around you. The pain that often Petite Pity en live dans la saga des Fab Four. Isn't it a pity? It a Pity avec Eric Clapton et qui du coup reste sur scène, reste devant pour chanter une chanson qu'il avait coécrite avec George Harrison dans, je sais plus en 30 quelle année, dans les années, fin des années 60 il me semble. C'est Badge. Je vous propose de l'entendre, de laisser continuer le show parce que voici cette superbe chanson. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Wander around in the dark.

De mon album préféré Back to the Egg, c'est génial. Merci Paul. C'est toujours la saga 470, la saga confinée. Je l'enregistre depuis la maison et puis vous, je vous invite à l'écouter le mercredi 4 novembre à 20h et puis ensemble, eh bien, on s'éclate sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Voici Dance Tonight sur RIG en temps normal. 90.7, c'est la radio des Beatles. Well, you can come over to my place if you want to. Et voici le fils de George Harrison, Danny Harrison, qui monte sur scène pour nous chanter une chanson. Je suppose qu'il s'agit de For You Blue. Mais oui, c'est ça, For You Blue sur RIG. Enfin, vous m'avez compris, dans la saga des Fab Four, en confiné, enregistré depuis chez moi, mais normalement sur RIG. Because you're sweet and lovely girl, I love you. Because you're sweet and lovely girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. I want you in the morning, girl, I love you. Don't make me cry. Don't make me cry. Very nice indeed, thank you. Well, I told you, say you will when you won't. Say you do, baby, when you don't. Honey Don't, mais chanté par McCartney au lieu de Ringo. Tell the truth now, is love real? Thank you. petit medley fait dans la bonne humeur, Rip It Up, Shake, Rattle and Roll, et Blue Sweet Shoes, fait par John Paul Ringo, et forcément John, voici Elton John qui remonte sur scène, je suppose qu'il va encore nous en pousser une, Lucy in the Sky with Diamonds, dans la saga des Fab Four. Quite slowly, a girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Blind. Merci. De la fin du concert sur RIG en virtuel, puisque l'émission est enregistrée à la maison. C'est l'émission 470C pour confinement. Et voici Roll Over Beethoven par George Harrison. Roll the Beethoven, play it again today. you. And thank you for coming to see the show. I'd like to thank the band and Eric for making me come here to Japan. It's been very nice. And I love you. Thank you. God bless. je suis en retard pour Eric, que vous allez peut-être écouter en podcast lui aussi, quoi, je veux dire. Mais c'est pas grave, parce qu'à la limite, si vous avez raté la fin de la saga, eh bien, vous reprendrez le podcast si j'ai débordé au moins 22h. Et puis, bon courage à Eric aussi, en confiné depuis chez lui. Merci, à très très bientôt, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve mercredi prochain pour la 471. C'est pour confiner, et ce sera une autre histoire avec je ne sais pas quel album de la semaine. À très très bientôt, bisous filles, prenez une main au garçon. C'était Thierry Gallet depuis chez lui, dans la saga des Fab Four. Ciao.